Hashim ou Baraka, le flot d'acier. C'est moi, il est là, déterminé à voler la pomme. Quoi, coussin. Moi, j'ai la voix pour faire bouger tout ta décide. Dérapage verbal, va le style que t'apprécies. C'est mon baraque dans la rime qui agace. Pose des bombes sur le beat comme un soldat en Irak. Microphone m'adresse à ton rap de France. Les rappeurs, je les blesse et la prod, je la défonce. C'est pour mes raps, ça renoie un bico partout. Cherche pas la puissance du moteur, elle est sous le capot. Je suis un timide, une équipe de cafénaire. Même les gars de la tectonique se défoulent sur mon air. C'est pour les gens qui rêvent d'une vie de fou. T'es dédié à 2008, qu'on vient la prendre. Pour la poche, on veut du cash, tu piches de la monnaie. Tu caches, tu pisses, t'inquiète, moi je te connais. J'ai les go trip, tant mieux si les go kiffent. La rage est dans les tripes, moi pas tiré en pique. Les go, mais dis-moi si tu as le style qu'il te faut, j'ai la vibe, j'ai la race, et qui rase tous les faux. Microphone, je le prends, je me pose sur le trône. Vas-y, bouge, ma zik, entends, elle est bonne. Le beat qui colle, la basse qui résonne. La violence du violon, l'oreille qui frissonne. Je crache ma haine, ce coup de basse résonne. Pas de stress pour la scène, pas de stress quand j'ai le ball. Mon barat, renforcé comme la pétale. Quand je prends le mic, représente pour nos habitats. L'île de France, partout pour nos banlieues. On reste toujours ghetto, jamais dans ces banlieues. C'est pour mes barbus, sans que les potes. Cette jeunesse, hardcore qui sauve jusqu'en province. Parce que dans nos têtes, c'est quoi Hiroshima. Mais quoi qu'il arrive, le rap foncé. Un star six, je suis chez moi. Let's go, mais dis-moi si tu vas le faire. Sur un tronc d'achève, faut qu'on a des archives. À la chute, à la mort, telle est notre devise. Attendez au sommet, voilà ce que l'on vise. C'est la merde, la crise dans nos cages. Nos frères, nos fils, mec, de quoi devenir page. Y'a Hachim, moi-même, nous barrage. Si tu roules pas avec comme Estella, ouais.